Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Bien, très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, et aujourd'hui nous allons ouvrir avec une œuvre de circonstance, La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, Passion selon Saint Matthieu, enregistrée au début des années 1970, de la décennie 70, par Herbert von Karajan, un enregistrement qui avait eu un retentissement incroyable et qui aujourd'hui paraît peut-être un petit peu suranné parce que ce sont des effectifs pléthoriques et puis une version un peu en cinémascope, mais enfin moi j'adore, je trouve ça très beau. Alors voilà, j'ai voulu vous présenter cette version, mais c'est vrai que j'aurais pu choisir des versions un peu plus récentes. Alors La Passion selon Saint Matthieu, eh bien c'est l'un des ouvrages majeurs de Jean-Sébastien Bach, de toute l'histoire de la musique d'ailleurs. Bach a composé plusieurs passions. Passion selon Saint Jean, que nous écouterons demain, et puis Passion selon Saint Luc, qui est arrivé jusqu'à nous de façon fragmentaire, et encore, on n'est pas sûr que le manuscrit dont on dispose, qui est quand même de la main de Bach, soit vraiment du Jean-Sébastien Bach. Peut-être Bach a-t-il recopié une passion d'un autre compositeur, parce que le niveau d'inspiration de cette messe selon Saint Luc est quand même bien inférieur à celle des deux autres passions. Bref, donc des œuvres majeures. Bach les avait composées, ça faisait partie de son contrat à Leipzig, puisqu'il ne devait composer des œuvres sacrées, des cantates tous les dimanches, mais on lui avait interdit de composer pour le théâtre. Je ne suis pas sûr que Jean-Sébastien Bach était vraiment attiré par l'opéra, mais enfin, bon, voilà, ça explique aussi pourquoi il n'en a peut-être pas composé. Voici le chœur final de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, avec le chœur du Singverein de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Berlin et tout ce petit monde dirigé par Herbert von Karajan. version, je trouve, d'une ferveur intense. C'était le cœur final de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, avec le chœur du Singverein de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. On va écouter un extrait d'un disque que j'ai déjà présenté dans mes émissions précédentes, l'excellent disque Chopin, le merveilleux disque Chopin de Pascal Godard, paru chez Indécence Records, qui nous propose les quatre ballades et quelques nocturnes, complétées par la berceuse opus 57. Alors, c'est vraiment un disque vraiment très, très, très réussi, une interprétation remarquable, très juste. Et il faut aussi saluer la prise de son, très claire, nette, naturelle. Moi, j'ai écouté ce disque à différents volumes, on ne perd rien. Et donc, un disque qui nous propose ces nocturnes de Chopin. Chopin en a composé 21 des nocturnes. Il n'est pas vraiment le concepteur du genre, même si c'est lui qui lui a donné ses lettres de noblesse. D'autres compositeurs avant Chopin avaient écrit des nocturnes. Je pense à John Field, irlandais. Et puis, Chopin s'est emparé du genre. Et après, il a été très difficile pour les compositeurs, je pense, d'écrire des nocturnes. Ben, c'est vrai aussi que Schubert a donné ses lettres de noblesse à l'impromptu. Et il n'y a pas eu tant que ça d'impromptu à la suite de Schubert. Voici l'un des nocturnes de Frédéric Chopin, l'opus 9, numéro 2, joué par Pascal Godard, extrait de son excellent disque paru chez Indécence Records. Et on écoutera encore un extrait de cet album dans notre émission tout à l'heure. Thank you. Une interprétation d'un raffinement extrême, j'adore. C'était le Nocturne opus 9 numéro 2 de Frédéric Chopin, joué par Pascal Godard, excellent disque que l'on écoutera encore tout à l'heure. Et j'ai cherché une œuvre qui s'enchaîne sans un contraste trop violent avec ce que l'on vient d'entendre, et j'ai eu envie de passer La Sicilienne de Pélas et Mélisande de Gabriel Fauré, une musique de scène composée en 1898 pour une représentation en Angleterre de la pièce de Maeterlinck qui avait inspiré bien sûr un opéra à Claude Debussy, et puis même d'ailleurs aussi un poème symphonique à Sibelius. C'est moins connu, mais c'est intéressant à découvrir. Donc une musique de scène qui a été orchestrée en fait par Charles Koechlin pour l'essentiel, et il y a une page qui se détache de l'ensemble, c'est la Sicilienne, où la flûte est bien un très beau solo. Je vous propose cette Sicilienne avec l'orchestre de Philadelphie, que dirige Eugène Ormandy. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. C'était la Sicilienne de Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré avec l'orchestre de Philadelphie, direction Eugène Ormandy. C'est beau, hein, moi j'adore. Allez, on continue avec un peu de Mendelssohn. Mendelssohn et son deuxième concerto pour piano. On ne peut pas dire que les concertos pour piano de Mendelssohn soient aussi joués que son concerto pour violon, qui s'est vraiment imposé auprès de tous les violonistes. Bon, les concertos pour piano sont peut-être un peu plus anecdotiques. Enfin, moi je les trouve charmants. C'est peut-être pour cette raison qu'on les écoute un peu moins. Le deuxième a été créé à Londres, à Birmingham, en Angleterre quand même, hein, lors d'un festival. Et Mendelssohn, eh bien, lui, il est né à Hambourg, dans la même ville que Brahms, milieu très cultivé. Et donc, il a suivi les cours d'Hegel à l'université de Berlin. Il a rencontré Goethe, dont il est devenu un proche. Et puis, évidemment, il a fait des voyages en Écosse, symphonie écossaise, en Italie, symphonie italienne. Il a rencontré la fine fleur des compositeurs de son temps, c'est-à-dire Chopin, Rossini, Liszt, Berlioz, et voilà, bah c'était la culture européenne de l'époque. Et puis donc, on doit aussi quand même à Mendelssohn la redécouverte de Jean-Sébastien Bach, qu'il a dirigé partiellement lorsqu'il dirigeait l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, notamment La Passion selon saint Matthieu, des extraits dont on a écouté tout à l'heure le chœur final. Donc voici le final de ce deuxième concerto pour piano de Félix Mendelssohn. Final presto scherzando avec Murray Peraya au piano qui dirige depuis son clavier l'Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Très jolie version, je trouve, de ce deuxième concerto pour piano de Mendelssohn avec Murray Perahia en soliste qui dirigeait l'Academy of St. Martin in the Fields depuis son piano. Ah bah ça, c'est très courant maintenant, mais à une époque, ça se faisait beaucoup moins et c'est quand même une performance. Hein. On va continuer avec Bryn Terfel. Alors ça, c'est un baryton basse gallois que j'adore. Il est né en 1965, spécialisé d'ailleurs dans les rôles un peu de méchants. Il en a fait tout un disque et de ses rôles de mauvais dans l'opéra. Et c'est vrai que son rôle préféré, c'est quand même Leporello dans Don Giovanni. Bryn Terfel, on a pu le voir récemment aux Victoires de la musique classique parce que c'est vraiment un artiste extrêmement populaire. Une voix incroyable, passionné de rugby. D'ailleurs, il a aussi enregistré un disque consacré aux chants traditionnels du Pays de Galles. Ça, je trouve que c'est une initiative toujours sympathique. On va le retrouver dans encore un rôle de méchant, extrait de Porgy and Bess, l'orchestre symphonique de la radio suédoise et dirigé par Paul Daniel. David was small, but oh my. David was small, but oh my. He fought the Goliath who lay down and died. Little David was small, but oh my. Fishes of gloaming, oh Jonah, he lived in the whale. Little Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. Badu! Badu! Simba Badu! Simba Badu! Devil's a villain, but ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Be clean, don't have no fault. Oh, I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. That living when no gal will give in to no man. What's 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't necessarily so. Quelle voix, j'adore Bryn Terfel, hein, dans tous les rôles. Et là, c'était un extrait de Porgy and Bess de George Gershwin. Le chœur et orchestre de la radio suédoise était dirigé par Paul Daniel, toujours à l'écoute de discothèques classiques. votre magazine classique sur Fadjet le week-end de 11h à midi. Et on continue avec un peu de Vivaldi, une sonate pour violoncelle. Et oui, Vivaldi a composé des concertos et des sonates pour violoncelle à une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Il faudra attendre Boccherini, qui est d'une génération qui va suivre, pour avoir des concertos pour violoncelle, de nombreux concertos pour violoncelle. Boccherini était lui-même violoncelliste. Et puis ensuite, au 19e siècle, il n'y aura pas énormément de concertos pour violoncelle, celui de Schumann, Dvorak, etc. Mais ni Mozart ni Beethoven n'ont composé de concertos pour violoncelle. Beethoven a composé des sonates pour violoncelle et piano. Donc on peut penser qu'il y avait une excellente violoncelliste dans l'orchestre de l'Ospedale de la Pietà, où eh bien, Vivaldi exerçait ses fonctions de maître de musique. J'ai choisi un extrait de la 7e sonate pour violoncelle que j'adore, en La mineur, Rium 44, avec une version qui me paraît incontournable. C'est celle de Christophe Coin, enregistrée dans les années 2000 avec The Academy of Ancient Music. J'adore cette musique de Vivaldi que je trouve toujours très inventive. Je ne sais pas pourquoi Stravinsky, à qui on prête ce mot, a dit qu'il n'a pas écrit 600 concertos, mais 600 fois le même concerto. C'est absurde. Mais il est vrai qu'à l'époque de Stravinsky, les interprétations de la musique de Vivaldi étaient souvent un peu ternes, insipides. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. En tout cas, les sonates, vraiment, je trouve que ça fait partie des grandes œuvres de Vivaldi, ces sonates pour violoncelle, Christophe Coin et The Academy of Ancient Music. On va retrouver le disque de Pascal Godard avec les nocturnes, les ballades et la berceuse de Chopin. On va écouter la troisième ballade. Alors les ballades, ben, c'est comme les scherzi, ça fait partie des chefs-d'œuvre de Chopin. Ben, il a laissé quasiment que des chefs-d'œuvre, hein, Chopin. Mais là, vraiment, on est au cœur de son répertoire, de son inspiration. Alors je vous propose la troisième ballade, jouée donc par Pascal Godard, et toujours ce disque Indécence Record, que je vous recommande évidemment chaudement. Thank you. dois dire qu'il y a longtemps que je n'avais pas entendu un Chopin aussi parfait, aussi juste. L'interprétation donc de Pascal Godard, la troisième ballade, un disque indécence que vraiment je vous recommande parce que c'est un disque qu'il faut connaître. On continue notre émission discothèque classique jusqu'à midi avec un peu de Ludwig Thuillé. Je pense qu'on dit Thuillé, c'est un compositeur autrichien, lui il n'est pas très connu, c'est moins qu'on puisse dire. Il est né en 1861, mort en 1907, il n'a pas vécu très longtemps. Il a sympathisé avec Richard Strauss, c'est un compositeur qui a laissé des œuvres un peu dans tous les genres. On va écouter une gavotte tirée de son sextuor pour piano et vent, composé en 1888, interprété par l'ensemble Les Vents Français et au piano Éric Lesage. La gavotte tirée du sextuor en si bémol opus 6 de Ludwig Thuillé avec Les Vents Français, Emmanuel Pahud, Paul Meyer, François Leleu, Gilbert Audin, Radovan Vladkovic et puis Éric Lesage au piano. Et on continue avec un peu de clavecin, François Couperin et ses barricades mystérieuses. Alors qu'est-ce que c'est que ces... Que sont ces barricades mystérieuses? Eh bien figurez-vous que dans le langage précieux de l'aristocratie à l'époque de Couperin, c'est-à-dire... 17e, 18e siècle, début du 18e siècle, eh bien, les barricades mystérieuses, c'était les cils des femmes. On écoute ces barricades mystérieuses jouées au clavecin par Skip Sempé. ... Les barricades mystérieuses de François Couperin, qui a toujours des titres un peu énigmatiques comme ça. Il y a aussi les coucous bénévoles, évidemment, on aura compris que là, c'est une allusion un peu plus compréhensible à certaines situations. Et c'était l'interprétation de Skip Sempé. Très très belle interprétation. On va terminer l'émission discothèque classique de ce jour avec Rachmaninoff et sa vocalise, une version pour orchestre avec l'Orchestre Philharmonique de Liverpool, dirigé par Vassili Petrenko. Thank you. la vocalise de Sergueï Rachmaninov, une version avec orchestre. L'orchestre philharmonique de Liverpool était dirigé par Vassili Petrenko. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, ce samedi. Bon, on se retrouve demain, vous le savez, demain à partir de 11h sur 94.2 Radio Fadjet pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Évidemment, je vous souhaite un excellent samedi et je vous dis à demain.